Chapitre 16e, M. Weston refuse de se laisser mener. Le 30 juin, la veille du mariage d'Edward Arundel, Olivia Marchmont était assise dans sa chambre, la chambre qu'elle avait surtout occupée depuis la mort de son mari, le cabinet qu'elle avait vu sur le quadrangle. Elle était assise toute seule dans cette triste pièce faiblement éclairée par deux bougies fichées dans des chandeliers en argent terni. Il était impossible de voir un contraste plus frappant que celui qui existait entre cette femme désolée et le maître de la maison. Tout autour de lui était brillant, frais, étincelant, splendide. Tout autour d'elle n'était que ruine, négligence, poussière entassée, étoile d'araignée, signe extérieur de la désolation intérieure. La veuve de John Marchmont était sans importance dans cette maison. Les domestiques ne prenaient pas la peine de s'occuper de ses caprices ou de ses désirs, ni de mettre ses appartements en ordre. Il ne la saluait plus quand il la rencontrait errant, d'un air nonchalant et se traînant péniblement, dans le long corridor ou dans le sombre quadrangle. Qu'avait-il à gagner en montrant du respect à cette femme dont le cerveau était trop faible pour conserver 5 minutes de suite le souvenir de leur conduite envers elle? Barbara Simons était la seule qui fût d'une fidélité inébranlable pour sa maîtresse. Elle ne faisait pas sonner haut son dévouement. Elle n'attendait ni argent ni récompense pour son abnégation d'elle-même. Cette religion pour la rigide discipline qui n'avait pas été assez forte pour sauver l'âme orageuse d'Olivia du danger et de la ruine était du moins suffisante pour ce type de femme d'un ordre inférieur. Barbara Simons avait été dressée à faire son devoir. Elle le faisait sans questionner ou se plaindre. De même que pour la pluie, la neige, la grêle ou le soleil, elle allait 2 fois chaque dimanche à l'église de Camberling. De même qu'elle s'asseyait sur un banc non rembourré, dans un angle peu confortable du banc des domestiques, dont les rebords aigus blessaient ses maigres épaules, pour écouter patiemment des sermons ennuyeux tirés au hasard des textes de saint Paul. De même, elle soignait sa maîtresse, se soumettant à chaque caprice, ne se préoccupant nullement de ce qu'elle avait à supporter de pénible parce qu'il était de son devoir d'agir ainsi. La seule consolation qu'elle s'accordait, c'était de causer 1 heure, de temps en temps, chez la femme de charge, mais elle ne faisait jamais allusion aux infirmités de sa maîtresse, et il aurait été imprudent, de la part de tout autre domestique, de parler à la légère de Mrs. John Marchmont en présence de la sévère Barbara. En cette soirée d'été où les gens heureux se promenaient encore parmi les fleurs sauvages, dans les sentiers ombragés ou sur les bords obscurs de la paisible rivière, Olivia était assise toute seule et contemplait les bougies. Y avait-il quelque chose dans son esprit ou n'était-elle qu'un automate humain retournant lentement à la poussière? La réflexion ne se lisait pas dans ses grands yeux sans éclat qui se fixaient sur la faible lueur des bougies. Mais malgré cela, l'esprit n'était pas une page blanche. Les tableaux du passé changeant sans cesse, comme les ruines de quelque panorama magique, se déroulaient devant elle. Elle n'avait pas le souvenir de ce qui s'était passé il y avait 1 quart d'heure, mais elle se rappelait chaque mot qu'Edward Arundel lui avait dit dans le jardin du presbytère, à Swampington, chaque intonation de la voix qui avait prononcé ces paroles. Il y avait un service à thé sur la table, une petite théière en argent amincie par l'usage, un pot à crème cassée dont les bords étaient usés, et qui avait perdu un de ses petits pieds écourtés, et une tasse en vieille porcelaine, ayant, ainsi que sa soucoupe, laissé ses dorures au lavage. Ce repas, qui est généralement appelé repas de société, n'a qu'un étrange aspect quand il est préparé pour une seule personne. La tasse solitaire à moitié remplie de thé froid, stagnant avec une feuille ou deux flottant à la surface comme des herbes sur les eaux d'une mare sans courant, la cuillère jetée en travers d'une petite mare de lait répandue sur le plateau, faisait l'effet des ruines d'une cité déserte. Dans le salon occidental, Paul se promenait de long en large, parlant à sa mère et à ses sœurs et admirant ses tableaux. Il avait dépensé beaucoup d'argent en œuvres d'art depuis qu'il avait pris possession des Towers, et le salon occidental n'était plus du tout le même que du temps de John Marchmont. Les divinités de Haïti souriaient à travers les draperies nébuleuses plus transparentes que les vapeurs d'été qui flottent avant le lever de la lune. Des nymphes au teint de perles avec des figures qui se laissaient adroitement entrevoir en se détournant légèrement par-dessus les 12 épaules roses, gambadaient parmi l'écume argentée des fontaines classiques. Les temples grecs de Turner reluisaient au milieu des brouillards de chaleur, tandis que des échappées de l'océan apparaissaient çà et là, et étaient aussi belles que si la brosse de l'artiste eût été trempée dans de l'opale fondue. Les baux rentés par la brise de Stanfield traçaient sur la mer de petits traits pleins de fraîcheur et de vigoureux petits mousses, les mains arrondies en trompette devant la bouche et les cheveux au vent interpellaient leurs camarades sur les noirs bateaux de pêche. Des dames pantelant parmi les rochers des Highlands nébuleux, dont la hauteur donnait le vertige, trahissaient la main de Lancer. Au bas, dans les coins du salon, étaient placées les scènes champêtres de Faed et de Nicole, et les beaux et les belles de Ward, mouchetés et poudrés, un Rochester en perruque blonde, une Nell Gwynn montrant ses dents blanches au-dessus d'une corbeille d'orange, un groupe d'incroyables avec des nœuds de ruban attachés à leurs escarpins et tout un assortiment de breloques à leurs goussets, colorait le mur de reflets étincelants, et parmi toutes ces gloires du jour, il y avait des Madonnes ascétiques et des anges à torticolis de Raphaël et du Tintoret. Un enfant à figure brune et grimaçant de Murillo, aucune collection n'a jamais été complète sans cet inévitable enfant à figure brune, une Vénus obèse par le grand Pierre Paul, et un pâle Charles Ier avec le pressentiment de son martyr inscrit sur sa figure pensive par Van Dyck. Paul Marchmont contemplait ses trésors avec complaisance pendant qu'il se promenait dans le salon, sa tasse de café à la main, et sa mère le regardait avec admiration du coin confortablement garni de coussins, où elle était enfouie sur un sofa somptueux. « Allons, ma mère, » dit M. Marchmont tout à coup, « on aura beau dire de moi tout ce qu'on voudra. Il sera difficile qu'on me reproche d'avoir mal employé mon argent. Quand je serai mort, ces tableaux me survivront pour parler de moi. La postérité dira, en tout cas, le gaillard était homme de goût. Je vous demande un peu, au nom du ciel, ce que cette malheureuse petite Marie aura pu faire de 11 000 livres par an, si elle eût vécu pour en jouir. » L'aiguille de la petite pendule du cabinet de Mrs. John Marchmont approchait lentement de 11h-15. Lorsqu'Olivia fut tirée tout à coup de sa longue rêverie, où les nuages du passé avaient brillé au milieu du calme plat et triste du présent, comme les dômes et les minarets d'une cité fantôme qui apparaissent à travers des déserts de sable stérile. Elle fut éveillée par un petit coup frappé avec précaution contre la fenêtre. Elle se leva, ouvrit la croisée et regarda au dehors. La nuit était noire et sans étoiles, et la brise soufflait légèrement parmi les arbres. « N'ayez pas peur, » murmura une voix timide, « ce n'est que moi, George Weston. Je veux vous parler, Mrs. John. J'ai quelque chose à vous dire en particulier, tout à fait en particulier, mais il ne faut pas qu'il l'entende, il ne faut pas qu'il sache que je suis ici. Je suis venu par ce côté-ci tout exprès. Vous pouvez me laisser entrer par la petite porte du couloir, n'est-ce pas, Mrs. John ?» « Je vous dis qu'il faut que je vous dise ce que j'ai à vous dire, » s'écria M. Weston, ne prenant pas garde à la répétition du même mot, tant il était agité. « Laissez-moi entrer, ma chère bonne âme, par la petite porte du couloir, vous savez, elle est fermée, vous savez, mais je suppose que la clé est dans la serrure. »« La porte du couloir ?» répéta Olivia d'un ton rêveur. « Oui, vous savez, allons, laissez-moi entrer, ma chère dame, c'est tout à fait particulier, je vous dis, c'est à propos d'Edward Arundel. » Edward Arundel. Le bruit de ce nom sembla produire l'effet d'une décharge électrique sur les nerfs affaiblis de cette femme. Sa tête courbée se redressa. Ses yeux, sans éclat auparavant, lancèrent des étincelles du fond de leur orbite. L'intelligence, l'animation, l'énergie revinrent aussi soudainement que si la baguette d'un enchanteur eût rappelé la morte à la vie. « Edward Arundel, » s'écria-t-elle d'une voix claire qui ne ressemblait en rien à son ton traînard et sourd habituel. « Oh !» murmura M. Weston, « ne parlez pas si haut, pour l'amour de Dieu. Je suppose que les espions ne manquent pas tout autour de nous. Laissez-moi entrer, et je vous dirai tout. Oui, oui, je vais vous faire entrer. La porte du couloir. J'entends. Venez, venez. » Olivia disparut de la fenêtre. Le couloir dont le médecin avait parlé était tout près de l'appartement. Elle tourna la clé dans la serrure. Cet endroit était sombre. Elle ouvrit la porte presque sans bruit, et M. Weston entra sur la pointe du pied. Il suivit Olivia dans le cabinet, ferma la porte derrière lui et respira à plein poumon. « Je suis entré ici, » dit-il, « et maintenant que me voilà ici, les chevaux sauvages auxquels je serai attaché ne m'empêcheraient pas de parler, et encore moins Paul Marchmont. » Il donna un tour de clé en parlant, ce qui ne l'empêcha pas de jeter sur la fenêtre un regard soupçonneux. D'après son idée, l'atmosphère de cette maison était envahie par l'ubiquité de son beau-frère. « Oh, Mrs. John !» s'écria le médecin d'un ton piteux. « Si vous saviez comment m'a foulé aux pieds !»« Vous avez été mené, vous, Monsieur John, mais vous ne semblez pas vous en préoccuper, et peut-être cela vaut-il mieux quand on le peut, mais moi je ne puis pas. J'ai essayé de m'y résoudre, j'ai même recouru à la boisson, mais c'est John, quoiqu'elle me soit très nuisible, et j'ai tenté de noyer mes sentiments d'homme dans du gros gorum. Mais plus je consomme de spiritueux, Mrs. John, et plus je me sens homme. M. Weston frappa sur le sommet de son chapeau avec son poing fermé, et fixa Olivia comme un furieux, en respirant péniblement et exhalant une odeur de rhum à l'eau et d'écorce de citron. Edward Arundel, qu'avez-vous à dire au sujet d'Edward Arundel? S'écria Olivia avec empressement et d'une voix sourde. « J'y arrive, Mrs. John, en temps et lieu, » reprit M. Weston, avec un air de dignité qui domina même ses hoquets. « Ce que j'ai à dire, Mrs. John, » ajouta-t-il d'un ton confidentiel et argumentateur, « le voici. Je ne veux pas être mené. » Ici sa voix s'abaissa jusqu'au murmure. Évidemment, c'est chose agréable d'avoir un revenu assuré et de ne pas avoir à se lever pour les pauvres, Mrs. John. Mais bonté divine, j'aimerais mieux être poursuivi nuit et jour par les impôts de la reine et ceux des pauvres ou avoir un garnisaire à nourrir. Et vous ne savez pas, avec quel mépris, pour vous regarder un garnisaire, si vous lui offrez du beurre salé ou si votre table en général ne lui convient pas, que d'être tourmenté par ma conscience comme je le suis, depuis que Paul Marchmont est arrivé dans le Lincolnshire. Il me semble, Mrs. John, que j'ai commis une infinité de meurtres. C'est un miracle que mes cheveux n'aient pas encore blanchi. Et cela serait déjà fait, Mrs. John, si je n'étais d'une nature entêtée, qui est trop forte pour exhaler les souffrances de l'homme. Oh, Mrs. John, quand je songe comment on s'est fait un jeu des tortures de ma conscience, quand je me souviens des insultes qu'on m'a prodiguées, parce que je n'ai pas un cœur de pierre, mon sang bouillonne, il bouillonne, Mrs. John, et à un tel point que je sens que le moment d'agir est venu. On s'est tant moqué de moi, que mon énergie d'homme s'agite en moi comme une fournaise ardente. On m'a foulé aux pieds, Mrs. John, mais je ne suis pas un ver de terre comme ils le croient. Aujourd'hui, ils ont mis le comble à la mesure. Le médecin s'arrêta pour reprendre haleine. Sa figure douce, qui avait quelque ressemblance avec celle du mouton, était animée. Ses sourcils floconneux remuaient convulsivement sous les efforts qu'il faisait pour exprimer la violence de ses sentiments. Aujourd'hui, ils ont mis le comble à la mesure, répéta-t-il. Ils veulent que je parte pour l'Australie. Ma foi, oui. Nous verrons cela. Il y a là-bas une belle clientèle pour un médecin. Et ce cher Paul fournira les fonds pour mon voyage et mon installation. Nous sommes à deux de jeu. Tout cela, c'est de la bonté fraternelle, évidemment, et de la bonne amitié pour moi. C'est ainsi que cela s'appelle, Mrs. John. Faut-il que je vous dise ce que c'est? On veut se débarrasser de moi à tout prix, de peur que ma conscience ne l'emporte et que je ne parle. On m'a pris pour un instrument, on m'a foulé aux pieds, mais ils ont été obligés d'avoir confiance en moi. J'ai une conscience, et cela ne fait pas leur affaire. Si je n'avais pas de conscience, je pourrais rester ici, n'avoir pas à m'inquiéter de mon loyer et de mes impôts, et m'abreuver de gros rhum jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'ai une conscience que tout le rhum de la Jamaïque ne pourrait noyer, et ils ont peur de moi. Olivia écouta tout ceci avec un froncement de sourcils qui trahissait son impatience. Je doute fort qu'elle eût saisi la signification des plaintes de M. Weston. Elle n'avait prêté l'oreille que pour entendre le nom qui avait le pouvoir de la transformer, elle, un automate vivant, en une femme réfléchie et raisonnable. Elle saisit fortement le poignet du médecin. « Vous m'avez dit que vous veniez ici pour me parler d'Edward Arundel, » dit-elle. « Auriez-vous eu l'intention de vous moquer de moi ?»« Non, Mrs. John. » Je suis venu vous parler de lui, et je vais vous en parler, parce que je ne vous crois pas aussi mauvaise que Paul Marchmont. Je pense que vous avez été un instrument comme moi, et on vous a mené pas à pas, de mal en pis, de la même façon que moi. Vous êtes la parente d'Edward Arundel, et c'est votre affaire plus que la mienne de veiller au tort qu'on lui fait. Mais si vous ne parlez pas, Mrs. John, je parlerai. Edward Arundel va se marier. Il va se marier ? Ces mots s'échappèrent des lèvres d'Olivia, comme une espèce de cri perçant, il fixa sur le médecin un regard affreux, tandis que ses lèvres restaient entr'ouvertes et que ses yeux se dilataient. M. Weston fut fasciné par l'horreur de ce regard, et il la dévisagea en silence pendant quelques instants. « Vous êtes fou ! » s'écria-t-elle après une pause. « Vous êtes fou ! Pourquoi venez-vous ici me communiquer vos sottes idées ? Ma vie est bien certainement déjà assez malheureuse sans cela. »« Je ne suis pas fou, Mrs. John, pas plus que... » Monsieur Weston n'allait dire que vous, mais il songea qu'en pareille circonstance, la comparaison pourrait être mauvaise. « Je ne suis pas plus fou que qui que ce soit, » reprit-il. « Edward Arundel va se marier. J'ai vu la jeune fille à Camberley avec son père, et c'est une très jolie femme. Elle se nomme Belinda Lawford, et la cérémonie a lieu demain à 11 heures à l'église d'Illingsworth. » Olivia leva lentement les mains au-dessus de sa tête et écarta de son front ses cheveux en désordre. Tous les brouillards qui avaient obscurci son cerveau s'évanouirent lentement et lui montrèrent le passé tel qu'il avait été réellement, dans toute la nudité de son horreur. Oui, pas à pas, la main cruelle l'avait poussée de mal en pis, jusqu'à la limite où elle se trouvait maintenant. C'était pour cela qu'elle avait vendu son âme aux puissances de l'enfer. C'était pour cela qu'elle avait aidé à torturer cette innocente jeune fille qu'un père mourant avait confiée à son impitoyable main. Pour cela, pour cela, pour voir enfin que toute son iniquité avait été en pure perte et qu'Edward Arundel avait choisi une autre femme plus belle peut-être que la première. La jalousie folle, peu saine de sa nature, éveilla dans les profondeurs de son corps délabré une énergie violente, indomptable. Mais l'instant d'après, la conscience, qui avait dormi si longtemps chez elle, se réveilla aussi et lui cria d'une voix terrible. Pécheresse dont le péché n'a servi à rien, repens-toi, rachète ta faute, il n'est pas encore trop tard. Les rigides préceptes de sa religion lui revinrent en mémoire. Elle s'était révoltée contre ses lois inflexibles. Elle s'était débarrassée de ses liens de fer pour tomber dans une servitude pire encore, pour se soumettre à une tyrannie étrangère. Elle avait été la servante du dieu du sacrifice. Elle s'était révoltée lorsqu'une offrande lui avait été demandée. Elle avait secoué le joug de son maître et était devenue l'esclave du péché. Et maintenant qu'elle découvrait où l'avait attirée cette chaîne, elle était saisie d'une panique soudaine et désirait revenir à son ancien maître. Elle resta quelques minutes les mains collées sur son front et le sein agité comme si une tempête violente eût été déchaînée en elle. « Il ne faut pas que ce mariage ait lieu, » s'écria-t-elle enfin. « Évidemment non, il ne le faut pas, » répondit M. Weston. « Ne vous l'ai-je pas dit tantôt ? Et si en parlant à Paul vous ne l'empêchez pas, je l'empêcherai moi en lui parlant. » « Je préfère cependant que ce soit vous qui vous chargiez de cela, » ajouta le médecin d'un ton de réflexion. « Parce que voyez-vous, il vaut mieux que cela vienne de vous, n'est-ce pas ?» Olivia Marchmont ne répondit pas. Elle laissa tomber ses mains et fixa ses yeux sur le parquet. « Ce mariage ne se fera pas, » murmura-t-elle avec un éclat de rire insensé. « Il y aura un autre cœur brisé, voilà tout. »« Faites-moi place, » s'écria-t-elle. « Faites-moi place et laissez-moi aller à lui. Laissez-moi aller à lui. » Elle écarta de son chemin le médecin terrifié, ouvrit la porte et s'élança dans le corridor, puis dans le vestibule. Elle ouvrit la porte du salon oriental et entra. M. Weston la suivit de l'œil dans le corridor. Il attendit quelques minutes, écoutant si aucun bruit ne viendrait du salon occidental. Mais le vaste vestibule dallé le séparait du salon, et quelque bruyantes que pussent être les voix qui parlaient, elles ne pouvaient arriver aux oreilles du médecin. Il attendit 5 minutes, puis il se glissa dans le couloir et revint par là dans le quadrangle. « En tout cas, personne ne peut dire que je sois un poltron, » se dit-il avec complaisance en passant sous un portail en pierre qui donnait accès dans le parc. « Mais quel tourbillon que cette femme !» Ô bonté divine, quel tourbillon !»